Quand je rappe, j'ai le cœur qui flanche. Le cœur qui parle, amour à tort se battrait ici. Mes sentiments se déballent, c'est rare, c'est mal, les vies s'écartent. Pourtant, je suis pas méchant, méchante. Souvent sur un rythme pas très alléchant. Allez, change-toi les idées. Et viens dans mon monde, je te montre mon mode. Et pourquoi pas, mes moindres mots, ma mémoire sature. Pourtant, t'as éclairci ma vie, c'est clair. Si je m'incline, je vais devenir énigmatique. Et si j'invite ma ville, tu verras qu'on est là. Pourquoi, pourquoi, car y a pas d'argent. T'es un pourboire, l'amour rend aveugle. Et ça, ça crève les yeux. Sous la nuit, je vois ton beau sourire dans les cieux. Sache que je pense trop à toi. Amant, rends malade quand t'es pas là. Je suis comme un palmier dans un palace, c'est pas grave. La sortie, c'est par là. Et c'est malin, c'est ta main que je veux. Et quelques câlins. Je veux que le bonheur te manipule. Comme un pantin, je suis enfantin, trop enfanté. Par un sale destin, mauvaise destination. J'ai pas pris le bon billet, trop de pillage. Je voudrais juste boire une bonne bière. Je veux que le bonheur te manipule. Comme un pantin, je suis enfantin, trop enfanté. Par un sale destin, mauvaise destination. J'ai pas pris le bon billet, trop de pillage. Je voudrais juste boire une bonne bière.